Sentez-vous bien sur Fadjet, votre rendez-vous santé avec Thomas et Julien, l'émission qui ne vous veut que du bien. Bonjour à tous, c'est l'heure de se retrouver sur Radio Fadjet dans votre émission Sentez-vous bien, spéciale diabétonique en direct live depuis la place Léopold de Lunéville. Car oui, le diabétonique, c'est l'événement à Lunéville. Chaque année, ça se fête ensemble et ça se fête en direct sur Fadjet. On vous attend nombreuses et nombreux à nos côtés sur ce duplex créé spécialement pour vous, place Léopold. Vous ne serez pas déçus, plein de surprises vous attend durant cette journée. Diabétonique est une grande manifestation où son but est de sensibiliser le grand public au diabète et à l'intérêt d'une activité physique régulière et d'une alimentation équilibrée pour minimiser le risque de développer cette maladie ou pour en diminuer les effets. On vous retrouve en direct place Léopold avec notre duplex des patients experts et le service de diabétologie de l'hôpital de Lunéville pour fournir de précieux conseils et répondre à toutes vos questions en direct durant cette émission spéciale. Qui dit émission spéciale dit fête, qui dit fête dit programmation unique sur Radio Fadjet durant toute la journée. On a eu le plaisir de se retrouver ce matin à 10h et midi pour l'ouverture des festivités et on se retrouvera également à 17h pour partager ensemble cette programmation. Prêt pour ce troisième direct, Jules ? Eh ben écoute, oui, c'est parti. Tu es ready ? On y va ? Je suis ready. Ok. À mes côtés durant cette émission spéciale, Dr Lip et Christine Delès, bonjour. Bonjour. Merci d'être à nos côtés dans Sentez-vous bien sur Fadjet. Merci aussi. Prête à répondre à toutes nos questions en direct ? Oui. De toute façon, vous n'avez pas le choix, on y va. Dr Lip, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin nutritionniste, merci d'être à nos côtés en direct sur Radio Fadjet. Tout d'abord, dites-nous tout sur le diabétonique, c'est quoi ? Alors cette manifestation existe depuis les années 2000 avec un premier lancement à Épinal. Son but est d'informer la population générale sur le diabète et sur les risques qui s'y associent. Secondairement, cette manifestation s'est rapidement associée à des récoltes de fonds pour la recherche. Les récoltes aujourd'hui sont pour l'Association française des diabétiques. La première manifestation à Lunéville a eu lieu en 2009 et est depuis devenue annuelle. Donc c'est une manifestation qui ne concerne pas uniquement les patients diabétiques, mais c'est vraiment grand public. Voilà. C'est une manifestation festive, ouverte à toutes et à tous. Vous avez parlé de diabète et de complications. Un petit mot peut-être sur les complications possibles ? Les complications du diabète peuvent toucher de multiples organes, notamment le cœur, avec les problèmes d'infarctus, d'insuffisance cardiaque, les artères, surtout les AVC, les accidents vasculaires cérébraux, toucher les artères, surtout les artères des jambes qui peuvent se boucher. On parle classiquement de macro-angiopathie, de micro-angiopathie. Exactement. Donc ça concerne la taille des vaisseaux. Donc peu importe la taille des vaisseaux, qu'ils soient grands, qu'ils soient petits, ils sont touchés. C'est ça. Le diabète peut toucher l'ensemble des vaisseaux du système. Les micro-angiopathies, les petits vaisseaux, ça se traduit souvent par des atteintes au niveau des reins, pouvant aller jusqu'à des insuffisances rénales, voire la dialyse. Ça peut également toucher assez fréquemment les yeux, avec des troubles visuels qui peuvent aller jusqu'à une perte totale de la vue si on ne fait rien. Quels sont les différents types de prévention possibles par rapport à toutes ces complications ? Est-ce qu'on peut les prévenir en amont ? Alors, pour ce qui concerne le diabète de type 1, pour les complications, vous voulez dire ? Tout à fait, les complications. Pour les complications du diabète, le meilleur moyen de les prévenir, c'est d'avoir un diabète bien équilibré. L'équilibre du diabète, ça dépend du taux de sucre dans le sang, c'est ce qu'on appelle la glycémie communément. Et pour avoir une glycémie correcte, il faut non seulement avoir un traitement pour son diabète adapté, mais également avoir une bonne hygiène de vie, en particulier sur le plan alimentaire. Et pour le diabète de type 2, est-ce que les préventions sont les mêmes que pour le diabète de type 1 ? Non, chez les patients qui ne sont pas diabétiques, malheureusement le diabète de type 1, nous n'avons pas de prévention possible. Les facteurs de risque connus principaux du diabète de type 2 sont les antécédents familiaux avec des personnes diabétiques dans la famille, l'âge, on ne peut pas grand-chose pour l'âge, mais surtout le surpoids et l'obésité. C'est pour ça que la principale prévention possible pour le diabète de type 2, c'est de lutter contre cette obésité. Quels sont les facteurs possibles pour lutter contre l'obésité? Justement, on prend rendez-vous avec vous, avec un médecin nutritionniste, pour faire le point sur son alimentation. Quelles sont les différentes marches de manœuvre? Comme vous le dites, la principale façon de lutter contre l'obésité, c'est de modifier un petit peu ses habitudes de vie, que ce soit sur le plan alimentaire et sur le plan de l'activité physique au quotidien. Donc une phrase pas très facile à dire, les fameuses règles hygiéno-diététiques, c'est je crois. C'est exactement ça. Donc que faire pour bien faire? Est-ce qu'on reprend tout à zéro? Comment se passe une consultation type finalement? Alors une complication type, on peut aller voir soit un médecin nutritionniste, soit une diététicienne qui va dans un premier temps faire un état des lieux sur les habitudes du patient. Et ensuite, la consultation sera vraiment adaptée en fonction justement des habitudes, du mode de vie pour pouvoir changer dans la durée et améliorer comme ça le poids et puis... Donc par rapport à tous ces régimes en vogue, ces protocoles imposés par tout le monde, là c'est du cas par cas. Exactement. C'est un suivi personnalisé. Exactement. Et le but, c'est vraiment de modifier sur le long terme. Les régimes, on sait que ça marche, mais dès qu'on arrête, on reprend le poids. Là, le but, c'est de faire une modification en profondeur de la vie quotidienne, que ce soit au niveau alimentaire et rythme de vie, pour pouvoir maintenir ça sur le long terme et justement éviter sur le long terme l'apparition d'un diabète. Et justement, à partir de quel moment je peux me dire, tiens, je vais consulter pour modifier mes habitudes alimentaires? Quels sont les facteurs qui peuvent mettre la puce à l'oreille? Alors, les patients qu'on reçoit en consultation viennent souvent parce qu'ils ressentent une gêne personnelle liée à leur poids. Il y a aussi beaucoup de personnes à qui on vient de découvrir un diabète ou une glycémie un peu limite qui signe un pré-diabète et qui du coup sont volontaires pour éviter que ça évolue vers un diabète. C'est quoi une glycémie un peu limite? On parle de diabète quand la glycémie est au-dessus de 1,26 g par litre à jeun et on parle de pré-diabète quand les glycémies à jeun sont entre 1,10 et 1,26. Une dernière question, vous avez parlé de nutrition, de diététique et... Malheureusement, on fait un peu l'amalgame entre les deux. Clairement, quelle est la différence entre un médecin nutritionniste et un diététicien, une diététicienne? Alors, de façon très théorique, le médecin nutritionniste est un médecin qui a un diplôme complémentaire en nutrition. Une diététicienne ou un diététicien a un diplôme universitaire de diététique et nutrition. Voilà. Tout à fait. Qui fait sur 3-4 ans? 2 ans. 2 ans. Sur 2 ans. Et voilà. Donc vos rôles sont complémentaires, vous travaillez en équipe pour améliorer au mieux la prise en charge des patients de A à Z au sein de votre service. Voilà, les diététiciennes s'axent plus sur justement aider le patient à rééquilibrer son alimentation. Le médecin essaye de plus s'axer sur les complications médicales et tout ce qui s'associe à ça. On va développer toutes les compétences des diététiciens et des diététiciennes dans quelques instants. Merci beaucoup Dr Lee pour toutes ces réponses. Merci beaucoup. Sentez-vous bien, votre rendez-vous santé en Lorraine sur Fadjet. Bienvenue à tous, si vous venez de nous rejoindre sur Radio Fadjet, vous êtes en plein cœur de votre émission Sentez-vous bien spéciale diabétonique en direct depuis la place Léopold à Lunéville. Avant de retrouver à nouveau nos autres invités pour la suite de l'Instant Vérité, pause musicale sur Fadjet, on s'écoute tout de suite Téléphone de Lady Gaga. A tout de suite sur Fadjet, en direct de Lunéville pour le diabétonique. Hello, hello, baby, you called, I can't hear a thing. I have got no service in the club, you say. What, what did you say? Oh, you're breaking up on me. Sorry, I cannot hear you, I'm kinda busy. and I am sick and tired of my phone ringing. Sometimes I feel like I live in Grand Central Station. And I'm not taking no calls cause I'll be Fadjet, c'est plus une radio. Sur 94.2. Sentez-vous bien, votre rendez-vous santé en Lorraine sur Fadjet. Téléphone Lady Gaga, bienvenue à tous. Si vous venez de nous rejoindre sur Radio Fadjet, vous êtes en plein cœur de votre émission Sentez-vous bien, spécial diabétonique, en plein cœur de Lunéville, Place Léopold. D'ailleurs, quel programme et quelles surprises vous attendent tout au long de la journée? Les réponses tout de suite. Christine Delestre, bonjour. Bonjour. Merci d'être à nos côtés sur Radio Fadjet dans Sentez-vous bien. Vous êtes diététicienne au sein du centre hospitalier de Lunéville. Tout à fait. Première question, quel lien peut-on établir entre la nutrition, le diabète? On tient un lien étroit? Il y a un lien étroit effectivement entre la nutrition et le diabète, parce que la personne diabétique doit contrôler un petit peu son apport en sucre. Mais hormis ça, son alimentation doit être équilibrée et variée, comme tout à chacun. Il n'y a pas besoin de faire de modifications profondes, de modifications profondeur de l'alimentation pour la personne diabétique? Hormis le fait qu'il ne faille pas manger de sucre ou de boissons sucrées en dehors des repas, tous les aliments viennent prendre leur place dans l'alimentation du diabétique. Donc pendant le repas, on peut manger de tout? On peut et on doit manger de tout. Donc finalement, qu'en est-il du dogme de « je suis diabétique, je n'ai plus le droit de manger de sucre, je de chocolat ?» Je contrôle le sucre en dehors des repas, uniquement. Et comment le contrôler au mieux? Alors, c'est prendre de bonnes habitudes, c'est éviter de manger entre les repas. Effectivement, avoir 3 repas par jour. Hein, c'est d'avoir des repas réguliers. Réguliers. Hein, pour éviter d'avoir des faims entre les repas. Quel conseil justement apporter par rapport à la nutrition pour éviter la survenue de diabète et plus globalement lorsqu'on en est diabétique? Alors, pour éviter la survenue d'un diabète, il faut déjà avoir une alimentation au quotidien, comme tout le monde, équilibrée, variée, manger de tout, manger des légumes, manger des féculents, manger de la viande, du fromage, un dessert, et puis ne pas abuser. Ne pas abuser, c'est-à-dire il faut savoir se limiter par rapport à certaines quantités? Se limiter en quantité. Effectivement, si vous mangez une quantité astronomique de produits sucrés, vous risquez de prendre du poids. Et le poids a une influence sur le diabète également. Et justement, comment lutter contre la prise de poids? Alors, les conseils sont les mêmes que pour la personne diabétique. Lutter contre la prise de poids, c'est avoir une alimentation régulière et une activité physique régulière également. Est-ce que les conseils sont les mêmes pour tout le monde ou est-ce qu'on peut adapter ces conseils au cas par cas? Les conseils sont toujours adaptés au cas par cas, bien entendu, parce que les apports nutritionnels sont différents d'une personne à l'autre, selon l'âge, l'activité physique, le sexe aussi, hein, et puis le contexte dans lequel ils vivent, le mode de vie des patients. par rapport au contexte, toujours, justement, dans quel contexte vous recevez vos patients? Est-ce qu'ils viennent spontanément? Vous leur faites un bilan? Ça se passe en une fois, en trois fois? Alors, quelle est la consultation d'un nutritionniste type, d'un diététicien type? Consultation type, alors je ne suis plus beaucoup en consultation, mais le patient vient voir le médecin, il fait l'état des lieux et il revoit la diététicienne dans la... ou dans la foulée, ou dans la huitaine de jours qui suit, pour refaire un bilan de ses habitudes et voir quelles sont les étapes pas à pas que l'on peut modifier, s'il y a des modifications à faire dans son alimentation. Donc ces modifications ne sont pas brutales, on accompagne vraiment véritablement. On accompagne le patient pas à pas, et par, on va dire par micro-step, par petits pas. Microstep, justement en parlant de pas, on va parler d'activité physique. Est-elle adaptée pour tout le monde, même pour les personnes diabétiques? Vous le conseillez? Ah oui, elle est conseillée pour toutes les personnes. Au moins 30 minutes d'activité par quotidienne. 30 minutes, c'est-à-dire 30 minutes. Alors, une question que l'on entend souvent, est-ce que c'est 30 minutes cumulées, c'est-à-dire 30 minutes d'un coup, c'est 30 minutes réparties tout le long de la journée? C'est bien de faire 30 minutes continues et puis d'éviter de prendre les transports en commun, de pouvoir avoir des activités, des activités physiques simples comme aller chercher sa baguette de pain à pied, promener son chien éventuellement. Vous avez parlé d'activité physique, un autre thème qui est récurrent, c'est le thème des régimes. Je pense que leurs conséquences sur la santé est un peu délétère. Que peut-on en dire à ce sujet? Comme l'a dit le docteur Lieb tout à l'heure, les régimes, ça marche sur le coup quand on fait des restrictions. Mais sitôt qu'on arrête, de toute façon, ça, le poids reprend. Le poids se... Donc le mieux, c'est un rééquilibre, une réadaptation de son alimentation au quotidien. Une question d'un patient, puis-je faire régime si je suis diabétique? Si oui, comment? Alors, je... Effectivement, on peut aussi limiter ça dépend du profil nutritionnel du patient. On peut aussi limiter un petit peu les graisses, tout ce qui est produit gras, de façon à diminuer la ration calorique, au moins sur la partie lipidique. Donc le fait d'être diabétique ne limite en rien la possibilité de faire un régime et de prendre en main finalement son alimentation. Aucunement. Et par rapport aux diabétiques, aux personnes qui ne le sont pas, est-ce que la balance des apports caloriques est la même? Les besoins nutritionnels sont variables, je disais tout à l'heure, en fonction de la personne et non pas en fonction de sa maladie ou de son état. Rappelons-le, je crois que c'est important, on peut être diabétique et ne pas le savoir. Tout à fait. Effectivement, s'il y a des antécédents familiaux de diabète dans la famille, un surpoids éventuel, il faut lutter un petit peu contre une alimentation malsaine, entre guillemets. Mais je dirais que... Lorsque l'alimentation est un peu borderline, qu'on n'hésite pas à venir vous consulter, venir à vous pour limiter les dégâts. Tout à fait. Par la suite. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Beaucoup. Merci à vous tous, chers auditeurs, d'avoir partagé avec nous ce second direct spécial diabétonique à Lunéville. Merci à Elodie, au réseau SFR Place Léopold pour assurer cette retransmission en direct. Et surtout, merci à toutes les personnes présentes sur place. Nous vous attendons plus que jamais pour nous rejoindre et continuer cette fête Place Léopold avec, à 15h et 15h30, à Yako Combat avec un coach sportif et à 16h Challenge Inter-Service. Quant à nous, on se retrouve tout à l'heure à 17h pour d'autres surprises en compagnie de mes invités Dr Vouhot, Dr Sébastien Dorper et Madame Jaurès Sandrine, avec notamment la fameuse Tombola. On reste à l'écoute du 94.2 FM et on vous attend place Léopold à Lunéville pour la suite de ce diabétonique avec tout de suite un cours de step organisé par Orange Bleu, votre coach fitness à Lunéville. Julien, t'es prêt pour la séance de step? J'aurais bien fait une petite sieste avant, mais je vais me lancer. Je crois pas. Je pense que l'Orange Bleu est au taquet, il nous attend là. Allez, on va y aller. On n'attend plus que vous, place Léopold. À tout à l'heure.